Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Karine Dubernay. Salut Karine, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va bien? Merci de m'accueillir. Bonjour à et tous. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est un plaisir. Plaisir partagé Sofiane, voilà, je suis contente d'être là, en pleine forme avec toi, pour partager mes bons et mauvais moments. Mais c'est très joli ce que tu dis, c'est vrai, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Ah oui, et je pense qu'on a tous notre petite part de galère. Hein. Et justement, je suis impatient d'écouter ça. Tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Bah écoute, moi, une des anecdotes qui... elle est toute fraîche, en fait. Elle date de ce spectacle qui s'appelle « Souris pas », que je donne encore aujourd'hui. J'ai commencé juste avant l'épidémie, tu vois, en 2019, fin 2019, j'ai eu le nez, je me suis dit, tiens, si je crée un nouveau spectacle pour fin 2019-2020, allez. Ah. Là, je sens que j'ai un peu de bonnes antennes quand même. Bah, c'est vrai qu'au niveau timing, on a eu parfait. Tous, on était parfait. Il y a même des gens, moi j'ai entendu il y a quelques jours là, il y a un humoriste qui a quitté son boulot pour se dédier à l'humour en février 2020, le pauvre. Comment ça va? Comment ça va? Il a... Il s'accroche. Et là, comme ça, tu vois, ça pourra caler mieux après. Et donc, mon anecdote est la suivante, c'est que j'ai écrit ce spectacle qui est plus du théâtre, tu vois. Donc, je commence par j'ai une mise en scène très chiadée. J'ai très peu de rapport au public, moi, dans mon spectacle. Il y a vraiment un quatrième mur. Donc, tout le long, je raconte une histoire. Et je commence mon spectacle sans rien, sans vouloir trop dévoiler le spectacle. Je suis assise dans mon fauteuil et pendant 1 minute 40, je ne parle pas. Et il y a une voix off qui dit quelque chose, d'accord ? Donc, je n'ai jamais joué mon spectacle, jamais, jamais, devant personne, aucun public. Et je joue ma première à Nantes un soir, comme ça, en disant « Ah, je suis tellement impatiente de recevoir les premières impressions du public. » Et donc, mon spectacle commence comme ça, le rideau s'ouvre, et je suis sur ma chaise, en mode « Je suis dans le coma. » Et il y a une voix off qui dit « Tel que vous me voyez, je suis dans le coma. » Et là, il y avait 7 spectateurs dans la salle. J'entends la nana devant, au premier rang, comme ça, qui fait « Eh ben, dis donc, on va se marrer, quoi. » Et ça, c'est les premiers retours que j'ai. Tout premier retour de ce spectacle où, tu sais, toi, t'es comme ça sur ta chaise. Et en fait, t'entends la personne devant qui fait « Eh ben, on va se marrer. » Là, tu te dis « J'ai peut-être fait une erreur. J'aurais peut-être pas dû commencer comme ça. » Voilà. Ah ouais, d'accord. Oui, donc... C'est le premier retour vraiment qui va être déterminant pour la suite, quoi. Exactement. Ouais. Et tu te dis, merde, ça va être très long finalement, et peut-être que j'aurais pas dû commencer comme ça. Et en fait, finalement, parce qu'après, bon, ce qui est bien la magie de mon spectacle, c'est que ça commence mal et ça termine bien, c'est qu'à la fin, la même spectatrice, à la fin du spectacle, m'a dit « Oh là là, qu'est-ce que je me suis marrée !» Elle m'a attendue à la fin du spectacle, elle m'a dit « Je me suis marrée !» Et donc, elle savait pas que je l'avais entendue, donc à la fin, elle me dit « J'ai quand même eu peur au début, j'ai fait « Écoutez, moi aussi, madame, vous m'avez fait peur parce que je vous ai entendu. » Voilà. Donc, non, c'est pour dire rien n'est perdu. Oui, bien. Non, mais de toute façon, je pense que quand on joue un spectacle, tu sais, l'ordre du spectacle, on a beau le préparer parfaitement et tout, au bout d'un moment, quand on monte devant le public et qu'on voit les réactions, on se dit, alors peut-être que finalement, ça, je vais le mettre un tout petit peu plus tard et tout, on va arranger un peu l'ordre. Non, parce que moi, voilà, mon spectacle, il a été pensé comme ça, c'est que je raconte une histoire, et c'est vrai que quand tu l'as jamais joué devant personne, tu sais pas à quoi t'attendre. Là, maintenant, au bout d'une centaine de représentations depuis, je sais que mon spectacle finira par emporter les gens. Mais c'était drôle de savoir que la premier retour du premier spectateur ever, c'est ah ben, on va se marrer, quoi. Tu vois, donc c'était drôle, ça m'a fait beaucoup rire. Et c'était à l'image de ce métier, quelque part, c'est de se dire bon, allez, tu sais quoi, tu vas les convaincre, tu vas finir par les avoir. Ouais. Mmh. Ouais, c'est quelque part c'est un peu une mise en danger, mais contrôlée, parce que tu sais que les gens vont se dire oh punaise, ça va être triste et tout, et puis en fait tu réussis à les emporter avec toi, à la fin ils kiffent totalement, et je pense même que au final ces gens-là après sont reconnaissants, parce que autant au début ils ont peur, ils se disent ça va vraiment être c'est pas du tout l'ambiance que j'imaginais, et finalement ça a réussi à me cueillir, donc c'est un peu comme dans un film quand il y a un twist. Ouais, exactement, c'est très juste. C'est donc, très juste. Et d'ailleurs, cette dame, il y a eu elle et puis il y en a eu d'autres entre-temps, Puisque moi, vraiment, encore une fois, j'insiste, et je respecte beaucoup le stand-up, mais ce n'est pas du stand-up, je fais vraiment un seul en scène avec une histoire. Donc, je raconte, c'est humoristique, mais voilà, on passe par plein d'émotions. Et c'est vrai que les gens qui... Ils doivent faire un petit effort pour rentrer dans l'histoire, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais vers eux, c'est eux qui doivent venir vers moi. Et des gens au début qui disent ah non, au début on était un peu déstabilisés parce que ce début déjà est pas évident. On se dit oh là là, qu'est-ce que c'est, elle nous parle pas directement. Et à la fin ils sont enchantés et conquis parce qu'ils disent oh, ben on est parti avec vous quoi. Après vous avez emmené et je trouve que c'est un beau. Moi à chaque fois j'en ressors, je suis très satisfaite de moi parce que je me dis voilà, j'ai réussi mon pari qui était de les amener avec moi dans mon voyage imaginaire, parce que c'est ça en fait, je fais beaucoup appel à l'imaginaire des spectateurs, donc je suis très contente de ce spectacle que je produis, voilà. Mais... Ah bah c'est bien, bah c'est une belle surprise pour les gens, et puis pour toi c'est un pari que tu gagnes à chaque fois au final, parce que tu dis en gros vous inquiétez pas, je sais que ça a l'air un peu plombant et exactement. Tout va bien, vous allez rigoler, promis. Vous allez rigoler, exactement. Après, il y en a peut-être qui doivent prendre le titre du spectacle au premier degré, tu vois, genre souris pas, bah punaise, ah ouais, bah, je suis pas prêt de sourire. Non mais tu vois, mais je me suis chargée exactement, j'ai fait exprès, en me disant, voilà, les gens disent, oh là là, il faut être vraiment courageux pour venir voir ce spectacle. Non, mais au final, tu vois, ils sont contents, et c'est vrai que c'est... Bon, après, sans doute qu'il y a des gens qui rentrent moins dans le délire, mais au final, la majorité des spectateurs sont très, très... sont à la fois touchés, parce que je parle, il y a beaucoup d'émotions aussi dans mon spectacle. Mmh. Donc voilà, je l'ai fait passer par plein d'émotions différentes. Et ma foi, ça réussit à la fin. Voilà. C'est les montagnes russes. Ouais, bah c'est ce qu'il faut en fait, parce que aujourd'hui, bon, tu vois, moi je fais du stand-up vraiment, je fais pas plusieurs émotions, tout ça, mais je veux dire, aujourd'hui, justement, les spectacles comme le tien, il y en a beaucoup moins, et c'est un créneau intéressant parce que quand on veut réellement faire ressentir plusieurs émotions aux spectateurs, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de spectacles comme ça, tu vois, des seuls en scène, il y en a très très peu. Donc, toi, le tien. Ça commence triste et puis ça finit vraiment bien et tout. Je pense que les spectateurs, justement, aujourd'hui, dans l'offre constante et vraiment très très abondante de stand-up aujourd'hui, ça peut leur faire du bien d'avoir une bouffée d'air un peu différent, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, moi je propose autre chose. Alors, moi, encore une fois, moi j'adore le stand-up, je trouve ça génial, c'est que je ne sais pas faire. Tu vois, moi c'est un savoir-faire que je n'ai pas. C'est-à-dire qu'avoir cette capacité. Genre cette interaction. Ouais, c'est un truc que j'ai essayé, tu vois, je m'y suis essayé lors du précédent spectacle, gentiment, hein, j'étais pas vraiment, j'étais toujours dans les personnages, mais je m'adressais plus au public, c'était un exercice dans lequel je suis pas à l'aise, même si j'adore parler avec les gens après, tu vois, après la scène, je me régale à discuter avec les gens, mais alors sur scène, d'accord. C'est quelque chose que je maîtrise pas du tout, et moi j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui le font, et j'ai des potes qui font ça, je les vois, vous régaler à faire ça, et moi je serais très mal à l'aise à parler aux gens, moi j'ai besoin d'être dans un cadre, dans des personnages, sur scène j'ai besoin que ce soit moins moi, tu vois ce que je veux dire, même si je pense que toi quand tu es sur scène en stand-up, c'est pas toi non plus forcément qui parle. Ouais, il y a, on va dire, bon, on essaie d'être le plus sincère possible, mais il y a toujours une petite couche supplémentaire. En fait, j'ai l'impression que quand t'es stand-upper, c'est extrapoler un côté de toi. J'ai l'impression, tu vois, voilà. Mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, tu veux garder vraiment le contrôle total quand t'es sur scène, quoi. Exactement. Ouais. Même, voilà, moi, j'aime me surprendre moins par rapport à. Mais c'est une question que je poserais. Mais là, voilà, on est là pour parler de moi. Mais loin de toi, mais c'est vrai que c'est une question que je pose. C'est quelle part d'improvisation, de déstabilisation vous acceptez, vous, les stand-upers? C'est une question qui me... Je pense qu'en fait, ça dépend de chacun. Il y en a, ils vont vraiment se laisser un créneau complet du style, ils vont faire, s'ils font une heure de spectacle, ils vont se dire, cette partie-là, je me laisse 10 minutes, ça va être de l'impro total, je vais embarquer le public avec moi, je vais faire du crowd work, quoi, tu vois. Je vais vraiment parler avec les gens et tout. 10 minutes, c'est pour ça. Et il y a ceux, par exemple, moi, je sais que je me permets pas ça. Moi, mon spectacle, si tu veux, il est écrit, il est... En gros, mettons, je vais jouer devant une salle totalement muette, tu vois, qui va juste regarder le spectacle et ne pas sortir le moindre mot, tu vois, qui ne voudra pas participer, et ben mon spectacle entier est écrit de façon à ce que tout le spectacle soit comment dire, se déroule et qu'on puisse faire les vannes de la première à la dernière. Par contre, comme j'interpelle beaucoup le public, tu sais, je n'ai pas une partie où je me dis là, vraiment 10 minutes, je vais les combler avec le public. Non, c'est au cours du truc, je vais leur balancer des vannes et des fois, j'ai des réactions sans même en avoir demandé. Il y a quelqu'un qui va dire un truc dans la salle, je vais rebondir dessus. Ou c'est moi qui vais dire, si ça vous est déjà arrivé, levez la main, tu vois, voilà, un truc comme ça. Et puis après, des fois, j'interroge les gens quand je demande, je sais pas, enfin, quand je vais parler des enfants, quand je vais parler de pas mal de choses. Je demande souvent aux gens, ouais, vous voyez, il y en a qui ont déjà fait ça, ouais, levez la main. Et donc après, je dis, oui, toi, vas-y, ouais, raconte et tout, machin, tu vois. Je vais broder un peu dessus, mais il y a un squelette, le spectacle est viable sans improvisation. Moi, je kiffe quand j'ai des gens dans la salle avec qui on improvise et on déconne et tout, mais je n'ai pas une... Si tu veux, mon spectacle n'est pas en danger s'il y a zéro retour du public, c'est pas un problème. D'accord. Voilà. Tout est préparé, quoi. Oui, après je lâche un peu le volant quand les gens réagissent avec moi et tout. Des fois, j'ai des réponses complètement inattendues et j'improvise. Mais sinon, voilà, c'est-à-dire mon spectacle ne dépend pas de la réaction du public. Ça dépend pas des interactions, quoi. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il y en a qui sont beaucoup plus là-dedans. C'est leur choix, tu vois. Bah, par exemple, des gens comme Kayron. Oui. Kayron, lui, par contre, c'est l'inverse. Lui, enfin, il a des blagues, évidemment. Il a ce qu'il faut. Il pourrait tenir, voilà. Mais son spectacle, c'est totalement l'inverse. Lui, son but, c'est de ne surtout pas dérouler des blagues qu'il a, tu vois, genre une histoire ou quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est parler avec les gens, quoi. Il y a lui et Shoga Sami également. Les deux, eux, leur part d'improvisation, si tu veux, eux, ça va être du 90-10. Ouais. Et moi, ça va plutôt être du 10-90. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, c'est l'inverse. Voilà. Non, mais c'est, tu vois, c'est une approche, c'est des démarches différentes. Le but, la vocation, c'est évidemment de rire tous ensemble, que ce soit moi ou toi ou eux, mais c'est vrai que c'est des démarches différentes et c'est ce dans quoi on est le plus ou moins à l'aise. Tu vois. Par exemple, je ne sais pas, toi, est-ce que faire des personnages, interpréter des personnages ou raconter des choses comme ça, tu vois, c'est quelque chose dans lequel tu n'es pas à l'aise? C'est vrai que vraiment, si je devais rentrer dans un personnage pendant, on va dire, 5 ou 10 minutes, j'avoue que je serais pas à l'aise. Faire des mini-personnages, et je le fais naturellement comme beaucoup de stand-uppers, c'est-à-dire que je vais pas lancer une blague et tout, et puis après derrière, je vais l'interpréter en quelques secondes, en incarnant quelqu'un pendant quelques secondes, pour appuyer un propos. Mais rentrer complètement dans une histoire avec un vrai personnage, j'ai jamais fait. Je pense que je suis moins à l'aise là-dedans. Tu vois, donc chacun a ses forces et ses faiblesses au final. Exactement. Et ce qui est super, tu vois, c'est qu'au final, on a tous la même vocation. C'est-à-dire qu'on a envie de faire rire les gens et c'est tout ce qui compte. Donc voilà. Donc ça, c'était mon anecdote. Voilà, c'est celle qui m'est restée en tête et qui est une belle... qui représente assez bien ce métier. C'est-à-dire que, jamais, c'est comme un combat de boxe, un match de foot. Enfin, on ne sait pas jusqu'à ce que la dernière minute soit sifflée, tu ne sais pas ce qui va se passer, quoi. Alors, ce n'est pas une lutte contre le public, mais c'est plus contre toi, tu vois. La lutte est plus contre toi, parfois. Enfin, toi qui fais de la scène aussi, tu le sens, ça. C'est ce truc de parfois, tu as l'impression que, ah là là, ça ne va pas, je ne suis pas dedans. Et en fait, il se passe plein de choses dans nos têtes pendant qu'on joue aussi. Totalement, oui. Hein, je pense que c'est... Ouais, c'est pas vraiment une lutte, tu as raison de le préciser. Je pense que c'est plus un rapport de... comment dire, je vais essayer de conquérir le public. Oui, c'est fou. C'est plus une conquête, en fait, du public. Et ton anecdote résume bien ça, parce que tu arrives avec une proposition que le public n'accepte pas au départ. Non. Et après, tu les embarques petit à petit dans une histoire. Ils s'attachent à ton personnage. Et à la fin, ça termine bien. C'est vrai que je trouve intéressant. Moi, j'ai aimé te raconter cette histoire parce que j'ai aimé ce que ça a provoqué chez moi. C'est-à-dire que ça, j'ai douté pendant les 3 premières minutes, j'ai douté de moi. Je me suis dit que finalement j'avais tort, j'aurais jamais dû faire ce spectacle, que c'était une très mauvaise idée, que tout, tu sais, tout m'est retombé dessus comme une vague qui m'a submergé, un tsunami de merde et de pourquoi j'ai fait ça. Et au final, après, une fois que c'est parti, parce que tu peux pas t'arrêter aussi quand un spectacle commence, il peut pas s'arrêter. Il y a ça aussi hein, dans notre métier, c'est que le spectacle vivant, c'est pour ça que c'est génial, c'est que quand ça commence, on n'arrête pas, quoi qu'il arrive. Okay? Show must go on. Ah, exactement. C'est-à-dire que, non mais ça c'est fascinant aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui se disent, mais ouais, mais s'il se passe, non, on continue. Moi j'ai joué avec une jambe cassée, une diarrhée avant et une diarrhée après, mais pendant, c'est, tu joues, tu fais ton truc. C'est ça. Tu t'arrêtes jamais. Ça. Voilà. OK. Donc, et donc là, c'est pareil. Tu te dis, bah voilà, bah c'est, non, mais c'est parti. Le train, il est parti. Donc, bah, t'as 1h15, 1h20 et, bah, le voyage. Et c'est dans ta tête que ça se passe. Si ça va bien se passer ou pas, c'est dans ta tête que ça se passe. Donc, ouais, c'est ça. S'il y a des jeunes humoristes ou des jeunes acteurs, tout ça, ne jamais, jamais, jamais baisser les bras parce qu'en fait, c'est, la réussite dépend de toi. Absolument. Et tu en es la preuve avec ton anecdote, parce que du coup, toi, tu as eu le doute et tu avais peut-être tu vois, tu aurais même pu arrêter à ce moment-là, dire pardon, désolé, je me suis complètement planté, machin. Mais dans ma tête, ça s'est passé. Ouais. Je me suis dit, mais oui. Peut-être, je vais dire, il y a quoi ? Il y a 8 personnes dans la salle. Je vais peut-être me lever, en fait, faire excuse-moi, dire à mon régisseur banjo, s'il te plaît, allume. Voilà. Alors, on va aller boire un coup, parce qu'après tout, on va s'épargner ça, ça sert à rien. Et tu vois, tu te dis, non, je peux pas. Mais non, non, tu dois garder le contrôle. Et puis en plus, il y a une chose aussi, je ne sais pas si tu l'as vécu toi, il y a beaucoup de monde qui a déjà vécu ça, et c'est quand tu as quelqu'un dans la salle, enfin quand tu as des gens dans la salle, pas forcément toute la salle, mais au moins une ou deux personnes qui ne rigolent pas, mais vraiment, qui te regardent en mode énervé presque, et tu te dis mais ils détestent ce que je fais. Et après tu fais quand même le boulot, et à la fin ils viennent te voir, ils te font j'ai adoré. Alors voilà, bah ça tu vois, j'ai une autre anecdote là-dessus, c'était Avignon. Ouais. À Avignon, pareil, tu connais Avignon, tu as déjà joué à Avignon. C'est... J'ai jamais fait le festival, mais je sais que c'est le Vietnam. C'est le Vietnam, exactement, c'est la guerre de tranchées. C'est une... Enfin, moi, à chaque fois, parce qu'après, il y a des gens qui vont à Avignon dans des belles conditions. Moi, ça a toujours été des conditions assez roots. Donc voilà, donc, tu joues dans des salles, quand il y a la clim, déjà, c'est vraiment que tu as du succès, que ça marche bien pour toi. Donc, salle pas climatisée, ça. Donc, généralement, c'est un garage hein, avec deux tréteaux, un truc. Donc, tu vois les spectateurs en retard. Et là, en l'occurrence, donc, je joue dans une salle où je vois les spectateurs qui arrivent en retard. Bon, déjà, ça veut dire que j'ai des spectateurs, donc déjà, t'es content. Et donc, j'ai une meuf qui arrive. Le spectacle a commencé depuis 10 minutes. Elle s'installe au premier rang. Voilà. Bon, déjà, elle est en retard, donc ça m'énerve. Bon, bref. Tout ça, je le garde pour moi, évidemment. Je ne suis pas là pour agresser les pauvres spectateurs qui viennent me voir. Donc, pouf, elle s'assoit, elle se met devant. Et là, tout le long, elle fait la gueule. Mais la gueule. C'est pas possible, non seulement elle arrive. Et tu vois, tout ça, pendant que tu joues, tu vois, tu te dis, c'est pas vrai, non seulement cette connasse, elle arrive en retard. Enfin bref, tout ça, tu dis tout ça. Tu dis, non, je ne dois pas l'appeler connasse, parce que, bon, bref. Et donc, elle fait la gueule tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. À la fin du spectacle, pareil. Voilà, bon, elle applaudit, tu te dis, bon, elle s'est fait chier tout le long, c'est pas possible. Et là, donc, je finis mon spectacle en me disant, je ne pense qu'à elle, alors qu'autour, tu vois, il y a des gens qui ont quand même apprécié, qui riaient, qui étaient avec moi. Et je ne pensais qu'à elle. Et là, je sors, et qui je vois qui attend? Je vois cette personne. Vraiment qui était devenu mon ennemi numéro un. Et je sors et je la vois. Donc je garde quand même un sourire de circonstance. J'ai adoré. Ben voilà, tu vois. Pareil. Je dis, ah bon ? J'étais surprise. Ben oui, vous en avez douté ? Non, vous avez adoré. Ah ouais, j'ai adoré. Vraiment, c'est un spectacle. Et tu veux que je te dise, c'était une programmatrice. De spectacle d'une ville dont j'ai oublié le nom et qui me dit voilà, et donc je devais venir vous voir, pardon, je suis arrivée en retard, j'ai vu, et j'ai adoré le spectacle, je trouve que c'est formidable. Voilà, bon, alors c'est juste que c'était quelqu'un qui n'était pas très expansif et qui, bon, elle adorait, elle m'a programmée dans sa ville et de jamais présumer de quoi que ce soit. Pareil, exactement. Jamais, exactement. Jamais, hein, c'est ça. Voilà, t'es fait taire vos voix intérieures, vous êtes là. Vous ne savez pas ce que les gens pensent, on ne sait pas jusqu'à la fin. Bon, sauf si la personne se barre en cours de route, là, tu sais ce que la personne pense. Et quoi que encore, non. Ça m'est arrivé aussi des gens qui se barrent et en fait qui, à la fin, disent, excusez-moi, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis sentie pas bien, il faisait trop chaud, j'étais obligée de sortir, mais c'est. Je me suis dit, voilà. Mais non, jamais. Mais non, il faut jamais présumer de rien, c'est sûr. Rien. Je suis d'accord. Ouais. Mais tu sais, ce que tu disais tout à l'heure, c'est important parce que, comme tu l'as dit, les autres spectateurs autour rigolaient et tout, mais tu étais concentré sur elle. Que sur la personne qui rit pas. Mais oui. Eh bien, on a tous ce même réflexe. C'est on se dit tous, attends, je veux qu'elle, elle rigole. Ouais. Tu vois ? Imagine l'importance de cette personne. Tu sais, c'est comme sur Billet Réduc ou quoi. Si tu as 1000 critiques positives et que tu en as une négative, c'est la négative qui va te plomber ta journée et les autres, tu les as oubliées déjà. Ouais. Alors que, ma foi, autour de ça, tu as des gens qui te donnent. Non, tu ne prends que celui qui te donne rien. Il faut se concentrer. Bah oui, il faut se concentrer sur les 99% qui aiment. Exactement. Même en apparence, hein, parce que du coup, là, tu avais 100%, on va dire. Bien Mais sûr. il faut se concentrer sur tout le monde, en fait. Moi, j'ai l'impression, tu sais, moi, il y a un combat que je mène quand je suis sur Ouais. scène, c'est que j'essaye vraiment de regarder tout le monde. Parce que Tu as j'avais raison. tendance, au début, à vraiment fixer mon Ouais. regard sur quasiment un endroit seulement, tu vois. Ouais. Et donc, ça va pas, parce que les autres se sentent exclus. Donc, j'essaye de balader mon regard dans la salle. Ouais. Et voilà, je le fais, sauf quand je connais quelqu'un dans la salle. Là, lui, je peux pas le regarder. Ah, tu ne regardes pas? D'accord. J'arrive Mais pas. ouais, Je je l'ai vois fait bien. l'autre jour. Ouais. J'ai joué devant mon chef du boulot, hein, vraiment. Hein, Ouais. donc, tu vois, parce que moi, je suis chauffeur de bus dans Ouais. l'équivalent de la RATP à Bordeaux, tu vois. Ouais. Et j'avais mon chef dans la salle. Et en plus, le présentateur du plateau, je l'avais prévenu et tout. Ouais. Il balance ça sur scène. Il dit, Mesdames et messieurs, celui qui va monter sur scène maintenant, il est stressé. Parce qu'il y a son chef C'est juste son là au chef. premier rang. Et il balance ça Ouais. devant tout le monde et tout. Et donc, non, mais c'était marrant. Moi, ça m'a fait rire, tu vois. Mais Ouais. j'avais le stress. Et ce que j'ai fait, la technique que j'ai trouvée, Ouais. c'est que je regardais tout le monde dans les yeux, nickel. Et quand j'arrivais à l'endroit où il y avait mon chef, je regardais genre au-dessus de sa tête, à peu Très près, bien. tu vois. Oui, Voilà. tout à fait. C'est une technique Ça, connue, celle-là. Ça permet ouais, de c'est un donner l'impression que tu surplomb. regardes les gens alors que tu regardes au-dessus. Tu te laisses pas déstabiliser. Ouais, je comprends. Alors C'est moi, ça, parce qu'en l'avantage, c'est fait. que je suis Ah myope, donc si tu veux, je vois rien. Mais j'ai l'impression que je louche tout le temps. Mais en fait, non, je suis myope, en fait, c'est juste ça. D'accord, ok. Bon, et du coup, j'allais te dire, cette programmatrice, là, justement, Ouais. je peux plus comprendre une personne comme ça qui ne rit pas et qui pourtant exprime, Oui. comment dire, son bonheur à la fin. Ouais. Je peux comprendre ça parce qu'en fait, quelque part, elle est comme nous. Regarde-toi, je te pose Ouais. la question, je pense que tous les humoristes ressentent la même chose. Moi, le premier, ça m'a fait ça. Maintenant que tu es sur scène, est-ce que tu ris autant que quand tu étais juste spectatrice? Mettons, avant de commencer à faire de la scène, Ouais. avant, tu regardais un spectacle, bon, tu riais d'une certaine façon. Ouais. Aujourd'hui, en étant sur scène et tout, tu regardes un spectacle, est-ce que tu vas rire de la même façon ou moins? T'es plus dans l'analyse. Alors, moi, je t'avoue que c'est pas que je suis bon public, c'est que quand je vais au spectacle, j'oublie que je suis. Ah, t'arrives à... J'arrive, D'accord. ouais. Je reprends mon âme d'enfant de 5 ans qui va voir un spectacle et Ah. qui veut me laisser. Voilà. D'abord parce que c'est quand je vais au spectacle, c'est le spectacle que j'ai choisi, donc je sais que j'ai envie d'aller les voir. Bien sûr. Et vraiment, je fais vraiment un gros effort justement pour m'enlever cet œil critique, ce regard où tu passes tout à la loupe, ah, je regarde, ça va des costumes à la mise en scène, à la lumière. J'ai pas envie d'avoir cet esprit-là. Donc non, quand je vais dans une salle, moi je suis un enfant de 5 ans et D'accord. ah ouais, je suis vraiment pas, je vais pas en critique, j'ai pas envie. Non, non, alors bien sûr, je parle pas d'y aller avec un œil en mode je vais voir tout ce qui va pas dans le spectacle, mais c'est-à-dire j'essaye, moi aussi, j'essaye, moi j'y arrive Ouais. moins, c'est pour ça que vraiment je te Ouais. respecte et je t'envie là-dessus, Ouais. c'est que aujourd'hui quand je vais voir un spectacle, je fais l'effort, hein, si tu veux, je me Ouais. dis ce que je trouve marrant, je vais rigoler, je me lâche et tout. Mais si je fais pas attention, c'est même pas une volonté de nuire ou quoi, hein, c'est que Oui. c'est plus en mode ah ça c'est marrant ça, juste ça. Ah Pas oui. le. Ah, c'est ah ça c'est Ouais. marrant. Oh Ouais. trop bien trouvé, mais c'est une super vanne. Tu vois, Ouais. c'est juste en mode spectateur, mais très passif, très je sais pas Ouais. comment dire. Tu vois, et c'est pas une volonté de nuire, hein, parce qu'il y en a. Alors Non, non, non. attention, on met bien de côté les enfoirés Ouais, qui dès qu'ils viennent dans ton spectacle sous prétexte que vous faites le même métier, ils se disent je vais pas lui décrocher un sourire. ouais. Ça c'est autre chose. Non moi je n'arrive plus. Même quand je regarde un spectacle à la télé, parce qu'on va dire le live c'est autre Oui. chose. La personne elle voit ta réaction. Mais Ouais. même quand je regarde on va dire un DVD ou quoi, j'arrive pas à rire comme avant parce que mon cerveau est en mode ah bonne vanne. C'est juste ça. C'est-à-dire Oui, je ouais. j'apprécie mais je ne j'ai pas le lâcher prise que Ouais. j'avais avant quand j'étais juste spectateur, tu vois. Ouais. Bah, il faut, ouais, moi j'essaie de me forcer à oublier tu vois, laisser ce côté du cerveau parce que sinon c'est chiant et tu prends moins de plaisir. Donc j'essaie vraiment de déconnecter cette partie du cerveau qui est là en analyse. Mais même parce que parfois c'est parce que tu dis, ah oui, là c'est vachement bien fait, je machin, mais t'es plus dedans donc c'est con. Donc D'accord. j'essaie de vraiment. Donc D'accord. j'essaie Bah. d'avoir 2 ans et demi quand voilà. Ça fait Ok, non, mais bizarre. c'est bien, c'est bien. Et j'adore, ah là là, j'adore quand c'est pas moi qui joue. Oh, j'adore être là. Ah, tu sais, je sens que derrière, là, le rideau, ça stresse, c'est pas bien, c'est liquide. Et toi, tu es là, tu es assis, tu fais, ah, j'adore être spectatrice d'un spectacle. Génial. Ah, je sais pas si. D'accord. Tu sais que de l'autre côté, ça bouillonne ouais, et moi, ouais. Je suis bien. Tu sais ce que la personne ressent et tout. Ouais, j'aime bien. Ouais. De l'autre côté ici. Moi, vraiment, j'aime beaucoup aussi. Bah, tu sais, en général, c'est quand je fais des premières parties. Oui. Dès que je fais la première partie de quelqu'un, bah, évidemment, je reste pour le spectacle, hein, parce que j'avoue que j'arrive pas à comprendre des gens qui font la première partie et qui se barrent. Je parle pas de ceux qui ont un rendez-vous derrière ou quoi. Oui, hein, je parle pas de ça. Mais genre le mec, ouais, c'est cool, le spectacle, je le connais déjà, machin. Okay. Mais reste. Mais reste, je sais pas, donne un peu de force, tu vois. C'est vrai, bien sûr. Et c'est justement dans le cadre de donner de la force, comme on dit, que je me force un peu. Alors attention, ça veut pas dire que quand je suis dans la salle de quelqu'un et que je rigole, c'est du fake. Mais c'est que, en fait, je fais une espèce de connexion. Normalement, c'est un réflexe et tout, mais je fais une espèce de connexion entre mon cerveau et ma bouche en mode « Hey, t'as trouvé ça marrant ? Allez, rigole !» Et du coup, je rigole un peu plus que ce que j'aurais rigolé en temps normal, tu vois. Un tout petit peu plus. C'est pour donner de la force, en fait. Mais c'est vraiment pas pour dire « Cette blague était pas marrante, mais je vais faire semblant de… » Non, j'essaye de valider, de faire valider à la personne et tout, parce que il n'y a pas pire que d'avoir un collègue dans la salle, un ou une collègue, et de le voir, tu vois, faire la gueule, ne pas décrocher un sourire, quoi. Mais bien sûr, en plus, tu parles de force, c'est vrai que le rire est une énergie, tu vois, et moi, ce que j'aime dans le spectacle vivant, encore une fois, c'est pour ça que le streaming, c'est bien parce qu'on n'avait pas le choix, mais ça ne remplacera jamais la scène et le public en vrai, en live, c'est que c'est de l'énergie qu'on partage, tu vois, on s'alimente, on se donne de la force, de l'énergie, le public rit, nous, on leur donne aussi de l'énergie, enfin, et je trouve qu'à la fin, ce qui est formidable, c'est que tu ressortes et on est galvanisés tous, tu vois, on s'est rechargé nos batteries en émotion, et c'est des énergies, hein, c'est vraiment, c'est comme des animaux, quoi, tu vois, on respire quand on rit ensemble et qu'on est ensemble dans une salle, on ressent, on a partagé la même énergie, c'est génial. Donc, oui, il ne faut pas être avare hein, de rigoler. Il y a même des spectateurs qui m'ont dit « Ça va, j'ai pas ri trop fort ?» Je dis « Non, mais je vous en supplie, écoutez, non !» Ah non, il y a ça, hein, des gens ont honte de rire parfois. Hein, ils s'excusent. « Oh, pardon, j'ai un rire un peu, vous m'avez entendu ?» Bah oui, merci. J'ai déjà entendu ça pas mal de fois, genre… genre oui non je voulais pas je faisais je me retenais de rire mais non vous retenez pas surtout pas c'est surtout ça pas. Faudrait mettre dans les annonces avant avec les portables tout ça et surtout alors éteignez vos portables fermez vos gueules mais riez fort quoi enfin riez laissez-vous aller quoi voilà mais oui voilà c'est tu vois même limite tu vois genre préparer une petite bande son avec des rires tu sais genre des rires vraiment de malade tu sais des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire c'est tu sais mettre une vanne du style si on a pu supporter ça vous inquiétez pas lâchez-vous tu vois les gens vont rigoler et ça va les détendre et oui parce que c'est ça il y a un truc c'est un peu comme la piscine tu vois il faut un pédiluve du rire c'est-à-dire tu commences tu te trempes les pieds tu te trucs allez et après tu vas nager t'as pas froid t'es bien c'est ça c'est génial. Ah ouais, le pédiluve du rire, très très bon concept. Faut faire un truc comme ça, faut réfléchir pour que les gens se détendent. Allez, on s'est entraîné, on y va, on va rire quoi. Parce que c'est d'ailleurs le parallèle avec la piscine est bien trouvé, bravo. Ouais. Parce que parfois quand ça rigole pas, t'as l'impression de boire la tasse hein, quand même. Hein. Exactement, on va pas se mentir. C'est vrai. Mais bon, voilà. Et métier, on fait. Mais c'est un métier magnifique. Et tu sais, je voulais juste revenir sur le live. Je sais plus si j'en avais parlé dans le podcast ou pas, mais le jour où j'ai découvert la magie du live, je m'en suis rendu compte. Parce que, en fait, au début, moi, je pensais que c'était juste du blabla pour vendre des places. Au début, tu sais, quand j'ai commencé, tu sais, quand les gens disaient « Mais non, ne regardez pas les spectacles à la télé, venez voir en live sur scène !» Moi, je disais « Oui, évidemment que le live, c'est beaucoup mieux, mais je pense qu'ils disent ça surtout parce que ça vend des billets, tu vois ?» Et le jour où je me suis rendu compte de ça, c'est avec un humoriste que tu connais sûrement qui s'appelle Nick Mukoko. Oui, je l'ai rencontré. Voilà, il est au Jamel Comedy Club, tu vois. Et lui, en fait, je l'ai vu à la télé, j'avais regardé le Jamel Comedy Club à l'époque et tout, et je l'ai trouvé marrant, mais marrant, tu vois, juste, voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que un jour, je suis parti faire donc la Deb Jam, la scène ouverte du Jamel Comedy Club le mardi. Je suis parti là-bas et c'est lui qui présentait. Et je l'ai vu jouer à la fin, donc en bonus, il nous a fait son passage, tu vois. Et vraiment, je te jure, c'est le passage que j'avais vu, hein, je le connaissais déjà. Hein. J'ai ri aux larmes, mais vraiment. Et là, je me retenais pas. Hein. J'étais pas en mode je vais me forcer ou je me retiens. Non, là vraiment, j'ai retrouvé mon âme d'enfant comme tu disais tout à l'heure. Et j'ai ri aux larmes. J'avais des larmes qui sortaient tellement je riais. Et pourtant, je connaissais déjà ça. Je l'avais vu à la télé. J'avais trouvé ça bon, mais pas hilarant. Ouais. Et là, de le voir en live, je pleurais de rire. Et c'est là, ce jour-là, que j'ai compris le pouvoir du live. Ouais. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux choses encore différentes. Et alors, c'est bien que ça existe, puisque ça permet de vivre. Et puis, c'est une autre manière d'aller chez les gens et que les gens nous voient aussi, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller au théâtre et c'est pas bien de pouvoir leur proposer. Je pense ça. Que c'est un produit d'appel. C'est en mode regardez ça, c'est un petit échantillon, vous inquiétez pas. Et si ça vous a plu, venez le découvrir en live. Ouais, bien sûr. Non, c'est, puis voilà, vraiment, le, quand on est des animaux de scène comme ça, comme nous, des bêtes de scène, on a, voilà, la vérité de ce qu'on fait, c'est à travers le live, quoi. Et c'est, faut que le public, on rencontre le public en vrai, c'est totalement différent. C'est une question d'énergie, vraiment, qui ne passe pas à travers les écrans. Ouais, bah tu vois, tu utilises le bon mot énergie, parce que j'ai l'impression que quand tu es dans une salle, on partage une énergie, comme tu disais tout à l'heure, une force, qui nous permet d'être, comment dire, de passer un meilleur moment encore. C'est comme s'il y avait une répartition, un partage de flux, je sais pas comment dire. Mais il y avait une énergie, une espèce de bienveillance et de, et de rire partagé. Tu vois, c'est comme si on capitalisait tous sur, tu vois, sur le même moment, on au même endroit tous et tout. Synchronisés sur le même, c'est ça, la c'est même ça. Fréquence, tu vois. C'est ça. Et à la fin, on sent qu'on a partagé un vrai moment, tu vois. Oui, exactement. Donc, on est tous rassemblés au même moment, tous ces gens-là. Et c'est ça qui est une forme de communion. Et c'est important. Voilà, nous, les humoristes, on ne sait pas sauver des vies, enfin, on n'est pas tous, on n'a pas fait médecine, machin, mais c'est notre manière à nous de soigner, les gens tristes, les gens stressés, et de nous-mêmes, de nous soigner nous aussi, hein, souvent c'est thérapeutique ce qu'on fait. Bien sûr. On fait ça, on est très égoïste aussi, on ne va pas se mentir. Mais voilà, c'est une manière de faire du bien, une manière de faire du bien. Absolument, bah écoute, vive le live, vive le spectacle vivant. Vive le spectacle vivant. Et vive les galères aussi. Hein. Oui, parce que on vit ces échecs-là, et ces difficultés-là, ces obstacles qu'on s'améliore. Et que, voilà, moi je suis partisane de toujours sortir de sa zone de confort. Dès que ça commence à devenir trop confortable, il faut se mettre en danger. Parce que sinon, d'accord, au bout d'un moment, tu t'endors et voilà, c'est comme en sport, quoi. Tu vois, pour augmenter tes capacités physiques, il faut toujours monter d'un cran, tu vois. Donc, il faut pousser un peu plus, tu vois, lever des poids un peu plus lourds, courir un peu plus vite, voilà. Si tu veux te perfectionner et avancer, et voilà, bah, c'est pareil. Nous, il faut, faut pas avoir peur de l'échec, faut pas avoir peur de se prendre des murs. Voilà, on va trouver... On va trouver la manière de contourner les obstacles. Tu as totalement raison. Alors après, avec mon gabarit, j'ai beaucoup plus peur du sport que de l'échec. Donc, tout va bien. À ce niveau-là, mais ça va. Mais voilà. Et puis, au final, encore une fois, il n'y a rien de dramatique. Hein, tu vois, Non. Mais c'est... En fait, on a tous peur du bide au début. Et puis, une fois qu'on en prend un, on se dit, finalement, ça va, j'ai survécu. Exactement. Et, puis, voilà. Ouais. Et les meilleurs, les plus grands, chacun a ses... ses stars en tête et ses idoles, mais tout le monde s'est pris des vestes, des bides, des critiques, a eu des échecs, s'en prendre à d'autres, et c'est totalement humain. Et tous ceux qui ont réussi quelque chose dans leur vie ont raté avant 1500 fois, donc ça calme. Hein. Thomas Edison, il a fait 1500 ampoules avant d'arriver à créer la bonne, tu vois. Donc, c'est vrai, faut aller. Moi, je vais chercher souvent dans l'histoire et dans les biographies des grands de ce monde. Et tu te rends compte que, voilà, tout le monde, ils sont tous vautrés, quoi. Ford, qui a créé le moteur, il est passé pour un fou avant d'arriver à créer le moteur qui a après inspiré toutes les bagnoles. Après, personne n'en voulait, quoi. On disait, non, mais ça ne marchera jamais, tout ça. Et voilà, et en fait, il s'est vautré, ça a raté. Enfin, plein... Dans l'histoire des grands hommes et femmes de ce monde. Ouais, mais en même temps, quand tu vois que Ford a sorti la Ford Escort, est-ce que tu penses pas qu'ils avaient raison de le prendre pour un fou? Je vois ce que tu veux dire. En fait, toutes les grandes inventions ont subi des grands échecs et tout. Et il faut se dire. Moi, c'est ce genre de choses-là que j'aime bien. Tu sais, il y a des petites photos qui circulent sur Facebook et tout. Ouais. Genre où tu vois marqué, par exemple, que Walt Disney, à l'époque, avait été viré de son premier boulot. On lui avait dit, vous manquez d'imagination. Jordan, il est parti en pleurant d'un truc genre de basket. Ouais. On lui a dit, vous ne jouerez jamais au basket correctement. Exactement. Il y en a plein des comme ça. Voilà, comme tu disais, Thomas Edison. Ouais, Thomas Edison, je ne sais plus, moi j'avais entendu 1000 tentatives pour vraiment arriver à la bonne ampoule électrique et tout. C'est quand même dingue. Et tous ceux qui ont fait, que ce soit des auteurs de livres, des inventeurs, des chercheurs, tout le monde s'est vautré, tout le monde a essayé. T'imagines si. Mais c'est comme quand tu es petit, si tu t'arrêtes parce que tu es tombé la première fois, bah, tu ne marches jamais. Quoi. Non, remettons-nous ça en tête, c'est qu'on est tous tombés 1500 fois, on s'est tous relevés. Exactement. Et on continue. Voilà, donc écoute, on se prend une veste, on se prend un spubic, c'est la vie, tu continues. C'est nécessaire. C'est que ce n'est pas fait pour toi, alors il faut faire autre chose. Non, mais voilà, après, par rapport à la marche, tu as raison, tu vois, je ne sais plus qui avait dit la réussite, c'est de tomber genre 99 fois et de se relever 100 fois. Bien sûr. Tu vois, et c'est ça, la réussite. L'essentiel, c'est juste de se relever une fois de plus que ce que t'es tombé, et puis voilà. Exactement. Quoi. Exactement. Hein. C'est ça, c'est un petit pas, chaque pas. Et voilà. Donc, non, vraiment, il faut être juste tenace et courageux. Et puis voilà, et puis surtout, prendre du plaisir. Moi, j'essaie toujours d'avoir du plaisir à jouer, à monter sur scène, à faire ce que je fais. Voilà, si c'est de ne pas le faire comme une routine, surtout pas. Moi, ça reste toujours du plaisir parce que moi, comme toi, j'ai travaillé longtemps, j'ai commencé tard, j'ai commencé à 27 ans. Le métier de comédienne, c'était un rêve d'enfant. J'ai fait plein de boulots, plus ou moins ingrats. Et je sais ce que c'est que de se lever très tôt pour aller travailler, faire quelque chose que tu n'aimes pas, d'être pas bien traité dans ton boulot. Voilà, donc je sais d'où je viens et je sais aussi que voilà, ce métier c'est vraiment du plaisir et c'est un rêve d'enfant que je réalise tous les jours, donc je suis jamais triste et je me rappelle toujours que j'ai fait bien pire et que non, ça c'est pas parce qu'à un moment donné quelqu'un a pas rigolé à une de mes pignolades que je vais m'effondrer, que tu vois. Oui, voilà, il faut avancer, il faut jouer. Et puis, toi, de toute façon, ton but, c'est de procurer aux gens un moment où tu vas délivrer une performance. Et puis après, la performance, elle est acceptée, elle est appréciée ou pas, machin. C'est pas grave. Voilà, pas grave, c'est le spectacle vivant, c'est pas du spectacle figé, évidemment. Exactement, exactement. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce métier. Eh bien, on te souhaite de le faire encore pendant de nombreuses années. Voilà, on se le souhaite à tous, qu'on soit tous à 70 piges sur la scène et tout. Exactement. Et tu vois, moi, c'est vraiment mon rêve, tu vois, de vraiment de faire toute ma vie sur scène et tout, comme George Carlin, tu vois, qu'on a vu sur scène. Tu vois, voilà, aux États-Unis, il avait, je sais pas, il devait avoir peut-être 70 ans ou quoi, il était sur scène, il faisait du stand-up toujours. Vraiment, c'est la beauté du truc. Michel Bouquet, 95 ans, qui était encore sur scène il y a 2 ans. Bon, il continue, tu vois, mais voilà, quoi. Et toujours le même plaisir. Moi, j'en parlais avec Michel Faux, avec qui je prépare une pièce dans quelques temps. Voilà, j'espère qu'elle sortira bientôt. Mais il a mis en scène Michel Bouquet dans Le Tartuffe. Et voilà, c'est un type qui a 95 ans, qui est sur scène et qui a toujours autant de plaisir. C'est un enfant. Une carrière, il a joué avec les plus grands, c'est ça quoi, on est des enfants. Hein. Mmh, et n'oublions jamais que nous, on joue, notre travail c'est de jouer. Ah oui, on dit jouer, c'est pas pour rien, c'est sûr. C'est pas pour rien, donc faut pas oublier qu'on est des enfants. Tu vois. Et bien merci beaucoup Karine pour ces belles anecdotes, c'était un plaisir vraiment, j'aime bien quand il y a des anecdotes et quand ça va un peu plus profondément dans le podcast et tout, donc merci beaucoup, et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors on peut me retrouver sur Instagram, je suis sur Instagram, et sur Facebook également, ainsi que sur Twitter, je suis partout en fait. D'accord, ok, voilà, j'ai YouTube aussi. Alors, j'ai une chaîne YouTube aussi, Karine Dubernet, bien sûr. Et voilà, plein de choses à venir encore. Je continue mes vidéos sur YouTube. Rendez-vous Rire et Chanson aussi, régulièrement, dans le top de l'actu avec Bruno Robles. C'est cool. Et la revue de presse sur Paris Première, où normalement, je devrais reprendre en septembre quand les émissions reprendront. Et à l'Apollo Théâtre. Voilà, pour ceux qui veulent venir voir du live dans Souris yes. Pas à l'Apollo. Bon, bah, très bien. Bah, on te retrouvera sur scène à l'Apollo et sur ces différents médias. Ouais, médias, exactement. Voilà, je mettrai les liens pour Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Eh bien, merci beaucoup. Super. C'était un plaisir. Ouais, c'était un plaisir. Et puis, écoute, de bonnes choses à toi pour la suite. Eh bien, merci. J'espère qu'on aura l'occasion de partager une scène. J'espère aussi. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Ouais. Vous retrouvez Karine sur tous les liens dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etahi, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.